Deuxième partie, chapitre 1er. Dans un coupé du rapide qui file sur Bordeaux, un jeune homme et une jeune femme sont assis l'un près de l'autre. La jeune femme vient d'enlever son chapeau, une mignonne capote de voyage, et de le déposer, soigneusement enveloppé d'un papier de soie sur le filet du compartiment. Elle ouvre un sac de toilette, en retire un vaporisateur dont elle passe sur son front le jet parfumé, puis étale sur ses genoux une mantille de dentelle noire et la plie en triangle. Le jeune homme ne quitte pas des yeux sa compagne. « Où sommes-nous » dit-elle. « Près des tempes. »« Quelle heure est-il » « 9h15. »« À quelle heure arriverons-nous à Bordeaux ?»« Demain matin, à 6h45. »« Et à Biarritz ?»« À 11h25. » Elle continue à vaquer aux préparatifs de sa toilette de nuit, méthodiquement, sans hâte, et le regard de son voisin ne se lasse pas de suivre chacun des mouvements qu'elle fait. Elle prend un petit peigne d'écaille et lisse doucement les bandeaux châtains dont elle a troublé l'harmonie en retirant son chapeau. Elle se coiffe de sa mantille une première fois, l'enlève, la plie autrement, la remet, se regarde à la glace du compartiment de face, de trois quarts, se lève pour mieux voir et tout à coup... « Donnez-moi donc les épingles à cheveux qui sont au fond du sac, dans un papier bleu, » dit-elle. Il les lui tend. Un peu secouée par les oscillations du wagon, debout, les bras en l'air, elle fixe la mantille avec les épingles piquées dans son chignon. Puis elle se rassoit, referme le sac, souffle dessus pour chasser la poussière, s'enfonce dans son coin et bâille en disant « Il me semble que je vais bien dormir, et vous, Raymond, je n'ai pas sommeil. » « Est-ce que vous avez mal dormi la nuit dernière ?»« Moi ?»« Quand j'ai vu que ma robe allait bien, je n'ai plus qu'une préoccupation, c'était de ne pas avoir l'air d'une déterrée, comme toutes mes amies le jour de leur mariage. Et je me suis dépêché de dormir comme un plomb. Aussi, vous étiez charmante ce matin à l'église. Je crois bien que jamais je ne vous avais vue si jolie, ma chère Claire. Oui, j'ai senti que j'avais du succès. » Quand mon amie Rose et sa mère sont venues m'embrasser à la sacristie, j'ai cru qu'elles allaient me mordre. Je me suis dit, c'est bon signe. Voulez-vous bien vous taire, méchante que vous êtes? Si vous croyez que je ne sais pas qu'elle me déteste. Pourquoi? Parce que Rose a une dot ridicule. Parce que je suis mariée et qu'elle ne l'est pas. Parce que vous êtes baron. Parce qu'elles ont manqué un compte l'année dernière. Un conte du pape, il est vrai, mais enfin, c'est toujours ça. Parce que ma toilette m'allait bien. Parce que, à ça, vous n'avez pas remarqué comme elles sont venues avec quelques autres après le défilé, s'embusquer dans les chaises près de la sortie. Savez-vous ce qu'elles voulaient voir? Si le bouton qu'elles me prédisaient le jour du contrat ne m'était pas poussé sur le nez, depuis la sacristie. Ça les aurait un peu consolées, ces pauvres femmes. Je ne leur en veux pas, d'ailleurs. À leur place, j'aurais été comme elles. J'espère bien que non. « Je vous assure que si. Vous ne comprenez rien aux femmes. C'est un sentiment qui nous est naturel. L'envie ? Eh bien oui. Nous en avons toutes un petit fond. À propos, et l'abbé Papillon, comment s'en est-il tiré ? Très bien, il a parlé divinement. Vous l'avez donc entendu ? Parfaitement, vous pas ? Non, je n'ai pas eu le temps d'écouter. J'étais très occupé de ne pas chiffonner ma traîne et mon voile. Qu'est-ce qu'il a dit ? C'était tout ce qu'il y a de plus joli et de plus touchant. Il a développé cette idée que le mariage est la mise à l'unisson de deux âmes. La mise à l'unisson de deux âmes. Ah, a-t-il dit un mot aimable pour les témoins? Non, à quoi bon? Ça se fait. Maman le lui avait bien recommandé pourtant. Et sur nos deux familles, rien non plus, il me semble. Rien. Voilà ce que c'est que de prendre un curé de campagne. Ils ne sont pas au courant. Un évêque n'aurait pas manqué de le faire. Mais c'eût été la réclame, voyons. Et dans une pareille circonstance, bon, un peu de réclame ne nuit jamais. Il en reste toujours quelque chose. Enfin, vous avez été content de l'abbé? Je ne peux pas vous dire à quel point il m'a ému. Et puis les cierges, l'encens, la robe rouge des enfants de cœur. Il y a quelque chose de grand dans cette cérémonie. Je ne m'attendais pas à en être aussi touché. Avez-vous remarqué combien ces prières sont belles? Très belles. Et la musique, en avez-vous été content? Tout à fait. Sauf de la marche à la fin, que j'ai trouvée trop bruyante, trop gaie. Pas moi. C'est la marche qu'on a jouée au mariage de la petite Campomayor. Ah, vraiment? Eh bien, entre nous, ça m'est égal. J'aurais préféré autre chose. Talazac a bien chanté, n'est-ce pas? Très bien. Je l'ai trouvé encore meilleur que dans l'Acmé. Et puis au moins, on ne s'aperçoit pas, là, qu'il a du ventre. Est-ce à cela que vous pensiez pendant qu'il chantait? Pas plus qu'à autre chose. Je regardais le Suisse. C'est un beau Suisse, en effet. Superbe. Je regardais aussi un vieux prêtre dans le chœur qui avait l'air bien malheureux de ne pouvoir priser. Et puis surtout, j'avais envie de regarder en cachette par-dessus mon épaule pour voir s'il y avait beaucoup de monde. Qu'est-ce que cela pouvait bien vous faire? En voilà une question. Maman m'a dit tout bas, je crois que c'est plein. Sans cela, j'aurais fini par me retourner. Je ne pouvais plus y tenir. Votre mère ne priait donc pas, moi qui la croyais si pieuse. Mais si, elle priait. Moi aussi, d'ailleurs. Ça n'empêche pas. Vous n'allez pas croire au moins que maman n'est pas pieuse. Savez-vous ce qu'elle a fait il y a 6 ou 7 ans à la mort de Pie IX? Elle a envoyé 10 000 francs au denier de Saint-Pierre. Non, elle a pris le deuil. Un deuil très sévère, 3 semaines de crêpes, s'il vous plaît. Comme elle sortait beaucoup, tout de même, ses amis lui demandaient « Qui donc avez-vous perdu, ma chère ?» Maman répondait en soupirant « Eh, ma bonne amie, c'est ce pauvre Saint-Père. » Papa s'est assez moqué d'elle à ce propos-là. Lui, je ne le défends pas, il n'est pas religieux du tout, mais maman. « Eh bien, et vous ?»« Dame, moi, vous savez, c'est difficile à expliquer. Enfin, je ne voudrais pas me faire sœur de charité. » « Mais vous porteriez, au besoin, le deuil de Léon XIII. Merci, je suis fixé. » Ils se mirent à rire tous les deux. « Tiens, reprit-elle, vous avez donc de l'esprit. Quelquefois, quand j'écris, et encore, rarement, autant dire jamais, quand je parle. Vous venez d'en avoir, pourtant. C'est vous qui me l'avez donné. Allons, voilà maintenant un petit madrigal. Vous êtes en progrès, décidément. Où sommes-nous? Pas bien loin d'Orléans, je crois. » Déjà, et quelle belle invention que ces chemins de fer. Papa dit qu'il trouve une locomotive plus belle que le radeau de la Méduse. C'est une opinion. Mais il y a encore autre chose au Louvre. Dites-le-lui. Orléans, chef-lieu du Loiret, sous-préfecture... Tiens, je ne sais plus mes sous-préfectures. Qu'est-ce que peut bien faire votre mère en ce moment-ci? Elle pense à nous. Elle prie pour nous. Elle demande à Dieu de faire que vous m'aimiez un peu. Et que cet unisson dont parlait l'abbé ce matin, cet unisson dont nous sommes loin encore, je le sais, s'établisse entre nous. Elle cherche à deviner si vous rendrez son fils heureux, si ces premiers temps du mariage, qui sont une époque critique, pleine de périls, seront pour nous le commencement d'un bonheur durable, ou bien, dites. Ah, je ne veux même pas penser à cela. Comme cette mentie vous va bien. Oui, n'est-ce pas, on me l'a toujours dit. Il n'y aura plus que moi qui vous le dirai maintenant. Vous êtes jaloux? Cela dépend. Il y a 2 jalousies. L'une qui est une offense, l'autre qui est un hommage. Vous ne serez jamais de ma part l'objet que de la seconde. Charmant. Ainsi, je ne pourrai plus recevoir un pauvre petit compliment. C'est selon. Les compliments qu'on adresse aux femmes, voyez-vous, c'est comme les papillotes de chocolat. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Tiens, voilà qui n'est pas mal. Il faudra le mettre dans votre prochain roman, si je le fais. Ah, mais dites donc, vous savez que je n'entends pas de cette oreille-là. Il va falloir travailler, monsieur mon mari, et me gagner de la réputation. Du reste, soyez tranquille, je vous aiderai. Vous m'aiderez. Comment? Cela ne vous regarde pas. Laissez-moi faire, j'ai mon idée là-dessus, comme sur tout. Quelle drôle de petite femme vous êtes. Mais oui, vous verrez. Et maintenant, si vous me laissez dormir, qu'en dites-vous? Raymond se mit à genoux devant elle, passa doucement un bras autour de la taille de sa jeune femme et reprit. « Je dis que si vous étiez gentil, vous dormiriez cette nuit la tête appuyée sur mon épaule et qu'ayant l'oreille près de mon cœur, vous sauriez à quel point il est plein de vous. Mais non, je suis bien mieux là. Allez vous étendre sur la banquette. Vous avez pris toute la place pour vos affaires. Tiens, oui, c'est vrai. C'est une habitude que j'ai. Laissez-moi, mon ami, vous m'étouffez, je vous assure. » Raymond se releva brusquement et allant à l'autre portière, baissa la vitre, afin d'exposer pendant quelques instants sa tête en feu au vent frais de la nuit. Quand il se retourna, Claire était toujours à la même place, les yeux fermés, mais la respiration précipitée qui soulevait et abaissait sa gorge prouvait qu'elle ne dormait point. Raymond s'approcha d'elle baisa lentement ses paupières sans qu'elle bougeât, l'enveloppa dans une grande couverture, avec les mouvements doux d'une mère qui borde son enfant, et s'approchant de son oreille, lui dit tout bas « N'ayez pas peur de moi. Dormez, ma femme, dormez bien. » Puis il tira le rideau bleu devant le réflecteur, afin que la lumière trop vive ne la fatiguât point, et pendant tout le reste de la nuit, il la regarda dormir. Comme on approchait de Bordeaux, le soleil étant déjà haut sur l'horizon, il se décida à la réveiller, à cause de l'arrêt et du changement de train. Au lieu de rester blottie dans son coin, elle avait fini par s'allonger tout à fait sur la banquette. Dans les mouvements inconscients du rêve, elle avait repoussé un peu la couverture, qui lui tenait trop chaud sans doute, étendue sur le dos, la tête soutenue par un châle de voyage roulé en forme d'oreiller. Elle dormait dans une pose d'innocence, les mains jointes et les lèvres entrouvertes par un sourire enfantin. Il la contempla longuement. Il pensait « Je t'aimerais comme si j'étais ton père, car tu n'as pas eu de père. Comme si j'étais ta mère, car tu n'as pas eu de mère. Et tu seras, tête chère et sacrée, ô ma compagne d'élection, bénie par ton époux entre toutes les femmes. » Le train ralentissait sa marche. « Claire, dit Raymond en l'embrassant au front, il faut vous arranger. » Elle ouvrit les yeux, de grands yeux étonnés, se dressa, rajusta sa mantille et demanda « Où sommes-nous ?»« À Bordeaux, bientôt. »« Ah, mon Dieu, donnez-moi vite mon sac. » « Figurez-vous que je rêvais. » « Et quelle bête de rêve !»« Je me promenais au jardin d'acclimatation avec ma mère. » Maman marchait au bras de monsieur de Simeuil, qui était habillé en Suisse, comme celui de la Madeleine, et portait sur l'épaule une hallebarde en or que papa lui avait donnée. Maman disait « J'ai lu dans Dozier, monsieur le comte, qu'un de vos aïeux... »« Vos billets, s'il vous plaît !» cria tout à coup un employé dont la tête parut à la portière. Quelques heures après, ils arrivèrent à Biarritz. Jusqu'à la fin du trajet, Claire avait été d'une humeur charmante, riant, parlant à tort et à travers, rappelant son mari comment il s'était enfui clandestinement de la Madeleine dans un coupé, leur retour à la maison, l'arrivée des parents, des amis, des insatiables, à qui les embrassades de la sacristie ne suffisaient pas, le lunch, la distribution des fleurs d'oranger aux jeunes filles, à qui, disait-elle, un gros sac servirait plus que ce fétiche pour trouver un mari, l'air bête des garçons d'honneur et les petites mines de leurs demoiselles, pour qui les fonctions qu'elles exercent ce jour-là sont comme la répétition générale de leurs propres noces, une sorte de communion blanche du mariage, les regards attendris des mamans, le départ pour la gare d'Orléans. Raymond écoutait, d'un air quelque peu préoccupé, ce gentil babillage. Un omnibus les déposa sous la véranda de l'hôtel d'Angleterre. « Monsieur et madame désirent une chambre ?» demanda le gérant. « Deux chambres, » répliqua vivement Raymond. Alors Claire s'approcha de lui et, moitié confuse, moitié moqueuse, « Raymond, » lui dit-elle tout bas, « à quoi bon faire de la dépense inutile ?